Puis sûr, ça dis donc, quand t'as lu le texte. Et quoi, ce qu'on va jouer, là. Oui. Hein? Oui, c'est invraisemblable, c'est incroyable, ce truc-là. Bon, je l'ai pas lu jusqu'au bout. Ça, hein. Mais tu sais qu'il paraît que c'est rigoureusement authentique, moi je veux bien, mais ça me paraît gratiné. Hein. Oh, bon, tu sais, ouais. Oh, tu sais, un texte, c'est un texte. Bon, oui, évidemment, mais enfin, quand même. Salut, Jim. Salut, je suis pas en retard, non? Non, on va commencer. T'as lu le texte? Bon, un peu, quoi. Oui, un peu. Et mon vieux. Ça me paraît incroyable. C'est incroyable, enfin, c'est une histoire qui tient pas debout, c'est invraisemblable. Ah, mais attention, il paraît que c'est une histoire authentique. Bon, ça... bon, on va y aller, hein. Mais bon, on est prêt, on attend. Oui. Tu joues le médecin, toi, je crois. Légiste, oui. Légiste. Et toi, qu'est-ce que tu joues? Moi, je joue l'inculpé. Où est la femme? Ben, je suis là, moi. Ah, t'es là. Bon, on va y aller. Mais tu as lu le texte, alors, c'était là? Bah, évidemment. Je trouve ça très bien, moi. Moi, j'ai pas eu le temps de... Bon, alors, vous faites silence, on va commencer. Dis donc, Julien, fais-moi penser à te raconter l'histoire du poisson qui roulera par terre. Non, pourtant, j'aime pas le poisson. Silence. Mais on est prêt, mais on attend, mais... Attention, encore 5 secondes. Quinzaine de jours. Allez, taisez-vous, on commence. Bon, d'accord. Radio Nederland vous invite à écouter un scénario de Pierre Olivier, dialogué par Jean-Louis Baril, réalisé par Jean de Gives et Jean Ruche. Une histoire à peine croyable. Dans la petite ville où se passe l'action de notre histoire, le maire a été assassiné. À première vue, il ne peut s'agir que d'une vengeance. Alors qu'il rentrait chez lui après une soirée passée chez des amis, le maire a été sauvagement étranglé. On l'a retrouvé, mort, à quelques mètres de son domicile. Un suspect a été arrêté, puis inculpé. Nous sommes maintenant dans le bureau du juge d'instruction. Voulez-vous, monsieur, avoir l'amabilité de me redire vos noms, prénoms et âges? Georges Timmermans. Timmermans, Georges. Pas d'autres prénoms? Marcel, Gustave, Léon. Notez, greffier, Timmermans, Georges, Marcel, Gustave, Léon. Âge? J'ai 42 ans. Hein? Profession? Agent d'assurance. Bien. Et je vous répète, monsieur le juge, que je suis entièrement étranger à toute cette affaire. Oui, je sais, c'est ce que vous me répétez depuis ce matin. Mais croyez-moi, ce n'est pas mon avis. À vous de prouver le contraire. Je vous interroge, je vous demande de répondre clairement à mes questions, un point c'est tout. Vous pouviez être assisté d'un avocat, vous avez préféré vous en passer. Je n'ai pas besoin d'avocat puisque je suis innocent. Oui, au début d'un interrogatoire, c'est toujours le même refrain, je suis innocent. Mais oui, je suis innocent. Je ne comprends absolument rien à toute cette histoire. Bon, on verra ça plus tard. Alors pour le moment, contentez-vous de répondre à mes questions. Bah, évidemment, c'est vous le plus fort. Pas la peine de discuter. Justement, comme vous le dites très bien, pas la peine de discuter. C'est nécessaire que ma femme assiste à cet interrogatoire? Mais bien sûr. J'espère d'ailleurs que Madame Timmermans fera de son mieux pour éclairer la justice. Mais je suis à votre disposition, monsieur le juge. Bien. Vous reconnaissez, madame, que votre mari et vous-même, vous connaissiez monsieur le maire? C'est exact. Excusez-moi, mais il faudrait savoir. C'est moi que vous interrogez ou ma femme? Monsieur Timmermans, vous avez un ton et une manière de concevoir les choses qui ne me plaisent pas du tout, mais pas du tout, vous entendez? Oui. Alors je pose les questions, vous répondez, votre rôle s'arrête là, c'est compris? Oui, d'accord. Et maintenant c'est à vous que je m'adresse, monsieur Timmermans. Oui. Vous connaissiez monsieur le maire? Oui. Vous le connaissiez même très bien. Tout dépend de ce qu'on entend par bien connaître. Ne jouons pas sur les mots, voulez-vous? Vous le connaissiez tellement bien qu'il y a environ 15 jours, vous avez eu avec lui une altercation en public. Je me trompe? C'est exact. Et peut-on savoir la raison, enfin le motif de cette altercation? Alors? Vous ne répondez rien? Mais cela n'a rien à voir avec l'assassinat du maire. C'est votre appréciation personnelle, c'est facile, mais ce n'est pas mon avis. Alors? pourquoi cette altercation avec le maire il y a une quinzaine de jours. Mais je vous dis que cela n'a rien à voir avec cette affaire. Je vous demande de me donner une réponse précise, monsieur Timmermans, pas un commentaire. Mais je ne fais pas de commentaire. Je vous dis que cela n'a rien à voir avec toute cette histoire. Doucement, je vous en prie. Et pas sur ce ton, et... mais enfin, où vous croyez-vous? Alors, toujours pas de réponse. Bon, remarquez, je ne suis pas pressé. Et puisque vous ne voulez pas répondre, passons à la question suivante. Nous avons trouvé dans les papiers de monsieur le maire une lettre. Et une lettre de qui? Je vous le demande. Une lettre de Georges Timmermans. Une lettre de mon mari? Oui, madame. Et pas n'importe quelle lettre, une lettre de menace. De menace? Oui, de menace. Des menaces, mais pourquoi? Ah, voilà justement ce que j'aimerais que monsieur Timmermans nous explique. Monsieur Timmermans dit dans cette lettre qu'il est prêt à tout, qu'il ira jusqu'au bout, s'il le faut, et termine en écrivant... oui, là voilà. J'espère, monsieur, que cet avertissement suffira et que la situation présente cessera immédiatement. Signé Georges Timmermans. J'espère, monsieur Timmermans, que vous ne contesterez pas l'authenticité de cette lettre. Je ne conteste pas. Mais pourquoi faut-il raconter toutes ces histoires devant ma femme? Toutes ces histoires. Ce sont des preuves, monsieur Timmermans. Des preuves accablantes. Oh, je comprends votre gêne, votre désarroi. Mais nous sommes là pour faire la vérité et toute la vérité. Je vous répète que je n'y suis pour rien. Ah non, non, monsieur, non, ça suffit. Ne niez pas l'évidence. Mais qu'espérez-vous? Gagner du temps? Non, c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait réfléchir. Allons, maintenant, votre intérêt vous commande de tout dire. Oui, mais oui, Georges, il faut tout dire, c'est mieux. Mais dire quoi? Ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit. Je n'ai pas tué le maire. Écoutez, ça suffit comme ça. Nous n'allons pas prendre racine dans ce bureau en attendant que M. Timmermans soit disposé à reconnaître les faits et à avouer son crime. Puisque vous voulez jouer au plus fort, eh bien, on va commencer par le commencement. Madame Timmermans. Oui, monsieur le juge. Voyons. Hier soir, j'étais chez des amis, et parmi ces amis, il y avait monsieur le maire. Eh oui, hier soir, il était encore en vie. Nous avons passé la soirée à jouer aux cartes, et vers minuit, je suis rentré chez moi. Le maire m'a accompagné jusqu'à la grande rue. Nous nous sommes quittés, et je suis rentré seul chez moi. La suite, on la connaît. À 4 heures du matin, on m'apprenait l'assassinat de mon ami. Heureusement, il n'a pas fallu longtemps pour mettre la main sur le présumé coupable. Mais je ne suis pas coupable! Silence, monsieur Timmermans! Dites-moi, madame, à quelle heure votre mari est-il rentré hier soir? À 2 heures du matin. D'accord, monsieur Timmermans. C'est exact. Vous étiez sans doute sorti pour prendre un peu l'air, n'est-ce pas? Non. Quand même. Et madame, dans quel état était monsieur Timmermans? Il était normal. Je me permets de vous rappeler, madame, que tout ce que vous me direz peut jouer pour ou contre votre mari. Je n'ai pas besoin d'insister pour vous faire comprendre que tout cela est très grave. Oh, mais je comprends, monsieur le juge, je comprends. Bien. Alors je vous demande donc de répondre à mes questions avec le maximum de précision. Votre mari est rentré cette nuit à 2 heures du matin et vous me dites qu'il était dans son état normal. Oui. Enfin, quand je dis normal, je veux dire comme toujours, quoi. C'est-à-dire? Bien, un peu nerveux, sombre, irritable. Irritable? Pourquoi? Mais vous croyez vraiment, monsieur le juge, que toutes ces questions sont nécessaires? Absolument nécessaires. Mon Dieu, puisque vous ne voulez pas me dire la vérité, il faut bien que j'interroge votre femme. Continuez, madame. Donc, votre mari est rentré chez lui irritable, nerveux. Hein? Oui. Et il est toujours comme ça? Depuis quelques mois, oui. Depuis quelques mois? Oui. Et pourquoi depuis quelques mois? Oh, écoutez, je préfère tout vous dire, monsieur le juge. C'est l'intérêt de tout le monde. Depuis plusieurs mois, Mon mari et moi, nous avons des scènes presque tous les jours. Jalousie ? Oui. Jalousie à l'égard de qui ? Mon mari était jaloux du maire. Ah ! Nous y voilà. Eh bien, il a fallu le temps. Qu'en dites-vous, monsieur Timmermans ? C'est vrai. Eh, voilà qui change tout. Vous avouez. Quoi ? Mais non, mais je n'avoue rien du tout. Je reconnais que ce que dit ma femme est vrai, mais je n'ai pas tué le maire. Ah, voilà, ça recommence. Madame, je comprends tout ce qu'il peut y avoir de gênant pour vous à raconter ces faits, mais je suis obligé de vous demander de m'expliquer les motifs de la jalousie de votre mari. Oui, monsieur le juge. Si j'ai bien compris, le maire avait manifesté certains sentiments à votre égard. Oui, monsieur le juge. C'est-à-dire ? Eh bien, mon mari connaît monsieur le maire depuis des années, et il venait de temps en temps chez nous. Au début, il me faisait un peu la cour, mais je n'y faisais pas attention. Et puis, plus tard, il venait plus souvent. Il profitait de la moindre excuse pour venir chez nous. Ces derniers mois, il s'arrangeait toujours pour venir lorsque mon mari n'était pas là. Je lui ai dit d'ailleurs que je ne le recevrais plus. Mais je vous jure, monsieur le juge, qu'il n'y a jamais rien eu entre le maire et moi. Jamais ! Mais jamais ! Oh, mon mari ne voulait pas me croire. Que pensez-vous de tout cela, monsieur Timmermans ? Moi, je ne sais pas. Bon, voilà une réponse qui facilitera considérablement notre tâche. Je n'ai rien à dire. Timmermans, je vous donne un conseil. Avouez. Mais avouez, mon vieux. Je n'ai rien à dire. Je suis innocent. George Timmermans n'avait pas flanché. Il persistait à affirmer son innocence. Après ce premier interrogatoire, le juge reçut le médecin légiste. Alors, docteur ? Nous avons fait une découverte. Une découverte ? Oui. Non seulement le maire a été étranglé, mais il a reçu deux coups de couteau dans la poitrine. Deux coups de couteau ? Oui. Il y avait du sang ? Oui. Et l'heure du crime ? Je ne peux pas me prononcer d'une manière formelle, mais on peut supposer, d'après la coagulation du sang, que le crime a été commis entre 22h et 1h du matin. Disons plutôt entre minuit et 1h du matin. Pourquoi minuit ? Mais j'ai quitté le maire vers minuit, donc il était encore en vie. Le crime a été commis entre minuit et 1h du matin. Mais, eh oui, si le crime a été commis entre minuit et 1h du matin, qu'a bien pu faire Timmermans entre 1h et 2h du matin ? Pourquoi 2h du matin ? Et sa femme m'a dit qu'il était rentré chez lui à 2h du matin. Ah, ça c'est une question qui sort du domaine de mes compétences. Oui. Et sur le plan mental, comment l'avez-vous trouvé, Timmermans ? Il a été examiné ce matin. Et alors ? Normal, absolument normal. Il est un peu nerveux, irritable, mais il est absolument responsable. Oui, entrez. Une lettre. Mais entrez, greffier. Une lettre pour vous, monsieur le juge. C'est bien, je vous remercie. Au revoir, monsieur le juge. Vous permettez, docteur ? Je vous en prie. Voyons, c'est une lettre de madame de Clercq. De Clercq ? La femme de l'hôtelier ? Mais je pense, oui. Voyons. Monsieur le juge, je viens d'apprendre l'arrestation de monsieur Timmermans après l'assassinat du maire. Dans le seul but d'aider la justice, en comptant sur votre discrétion... secret professionnel, docteur. Naturellement. Et en comptant sur votre discrétion, je veux que vous sachiez que monsieur Timmermans était avec moi la nuit du crime. Et qu'il est resté chez moi jusqu'à près de 2h du matin. Mon mari étant absent, j'en ai profité pour recevoir celui que j'aime depuis toujours. Vous comprendrez, monsieur le juge, que je compte sur votre entière discrétion. Je suis prêt à répondre à votre convocation. Et je vous demande d'éviter un éventuel scandale dans ma famille Je vous remercie de votre compréhension, veuillez croire, etc. Et c'est signé Madeleine de Clercq. Mon cher docteur, je n'y comprends plus rien. C'est... Oui, c'est un alibi. Pour Timmermans, oui. Eh oui. Il est innocenté par la lettre de cette femme, puisqu'elle affirme que le présumé coupable était avec elle à l'heure du crime. À moins que ce ne soit un mensonge. Mais sûrement pas. Vous pensez bien qu'une femme... Enfin, mariée et pas avec n'importe qui, c'est le plus grand hôtelier de la région. Vous pensez bien qu'une femme qui est placée dans une situation confortable et très honorable ne va pas risquer de compromettre tout son avenir pour le plaisir de mentir, docteur. Eh oui. Ah oui, c'est vrai, c'est exact. Et puis j'y pense. Ils ne se sont pas vus. Qui? Eh bien, Madame de Clercq et Timmermans. Il a été arrêté dans la matinée, donc... Ça ne peut pas être concerté. Et non, c'est exact. Oh, j'y comprends rien. Mais alors là, rien du tout, absolument rien. Oh, il va falloir recommencer à zéro toute l'enquête. En effet, tout cela est très surprenant. Oui, oui, surprenant, oui. Dites-moi, docteur. Oui. J'ai fait une petite découverte qui m'intrigue beaucoup. Hein? Oui, ce matin, j'ai trouvé sur les gants que je porte régulièrement, enfin, donc les gants que je portais hier soir, j'ai trouvé des taches de sang. Des taches de sang? Oui, des taches de sang. Et du sang quoi? Du sang humain? Je ne sais pas. C'est ce que je me demande. Vous ne vous êtes pas blessé aux mains? Mais pas du tout. Alors vous pouvez peut-être envoyer les gants au laboratoire. Mais c'est fait, j'ai envoyé les gants au laboratoire. Car je comprends rien à la présence de ces taches de sang. Alors dans ce cas, il faut attendre le résultat de l'analyse. Après son entretien avec le docteur, le juge se reposa une heure, et puis il convoqua George Timmermans à son bureau. Voilà, monsieur Timmermans, voilà ce que cette dame m'écrit. C'est exact, tout ce qu'elle dit est vrai. Vous êtes l'ami de cette dame? J'ai beaucoup d'affection pour elle, mais de mon côté, cela s'arrête là. Et de son côté? Bon, enfin, je crois qu'elle m'aime sincèrement. Moi, vous comprenez, je suis marié, je... Entrez. Excusez-moi. Je vous en prie, docteur. J'ai le résultat de l'analyse des taches de sang. Et alors? Ah, troublant. C'est troublant. Les taches de sang trouvées sur vos gants sont des taches du sang de la victime. De la victime? Oui. De monsieur le maire. Comment? Vos gants ont été en contact avec le sang de la victime. Oh! Oh! Docteur! Monsieur le juge! Monsieur le juge, mais... Vous ne vous sentez pas bien, ou? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais ma parole, il est fou, il bave. Non, non, c'est grave, monsieur Timmerman, c'est très grave. Mais il faut faire quelque chose, on peut pas... Attendez, non. Non, non, laissez-le, Yann. Il n'y a rien à faire, ça. Il faut attendre la fin de la crise. La crise? Oui. Une crise d'épilepsie. Épilepsie? D'épilepsie. Ah. Et là, je crois qu'il n'y a aucun doute, hein. Nous sommes bien en présence du meurtrier de monsieur le maire. Comment? Que voulez-vous dire? Le juge? Oui. Le sang retrouvé sur les gants du juge me laisse croire que c'est monsieur le juge qui a tué le maire. Le juge aurait tué le maire? Mais pourquoi? Ce qui est plus grave, c'est que le juge lui-même n'en sait rien. Il a agi au moment d'une crise, alors qu'il était vraisemblablement sans connaissance. Oh, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Ah, c'est un cas heureusement très rare, mais cela arrive. Comment? Parfois, les épileptiques présentent des cas de dédoublement de personnalité. Et souvent, ce dédoublement montre un individu à l'opposé de ce qu'il est. Bien entendu, il n'en garde jamais le moindre souvenir. Ah. Mais alors, si c'est vrai, qu'est-ce qui arrivera au juge? Si voulez-vous que je vous dise, il terminera ses jours dans un asile. Qu'est-ce que c'est? Le téléphone. Oui, j'entends, mais c'est pendant le texte. Ah oui, ma foi, c'est vrai. Pierre. Quoi? Mais j'ai fini, moi, c'est clair. Dis donc, le juge pousse un grand cri, tu vois. tombe et subit sa crise d'épilepsie, comme disait monsieur tout à l'heure. Mon rôle est terminé, moi. Non, mais c'est quoi? C'est une blague, quoi. Ben, décroche, tu verras bien. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Comment à l'appareil? Oui, mais qui êtes-vous? Moi, je suis le docteur. Docteur, tu parles, un docteur comme moi. C'est une blague, sûrement. Et qui est-ce? Mais qui êtes-vous, monsieur? Un auditeur. Un auditeur? Oui. Un auditeur de quoi? Un auditeur de quoi? Ben, de votre pièce, quoi. Attends, enfin, on est toujours en émission, c'est une blague, Julien, je sais mais pas. Mais je sais pas. Allô? Allô? Allô, oui? C'est complètement invraisemblable, votre histoire. Non, mais... Non, mais quelle histoire? L'histoire que vous jouez, là, en ce moment. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais vous nous prenez pour des naïfs. N'importe quoi, alors, n'importe quoi. L'auditeur n'a qu'à écouter Esther. Eh bien, moi, monsieur, je vous le dis, la pièce que vous venez de jouer est absurde. Ça ne tient pas debout. Au revoir, monsieur. Bah, ah bon, bah... Eh bien, il a raccroché. Ben, je trouvais pareil que notre pièce était invraisemblable. Bon, tu crois que c'était vraiment un auditeur? Je ne sais rien, c'est ce qu'il disait. Bon, dis-moi, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est vraisemblable? J'en sais rien. Honnêtement, qu'est-ce que je te dise? Moi, je suis acteur, je ne suis pas docteur. Oui, ça, évidemment. Ah, bah, c'est simple, il n'y a qu'à demander à un vrai toubib, quoi. Enfin, je veux dire, à un vrai docteur. De vrai, ça, c'est pas une mauvaise idée, ça, dit-on. Bon. Mais ils sont d'accord, là, dans la cabine? Bon, d'accord, oui, moi, je veux bien. Bon, enfin... Bah, voilà la solution, alors. Bien sûr. Est-ce que cette histoire est vraisemblable ou non? Ben, faut poser la question à un vrai médecin, puisque... Oui, nous, là, c'est mort, quoi. C'est quoi, nous? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait? On a fini, nous, oui, disons. Tu m'accompagnes pour rentrer, dis. Tu crois que c'est prudent, ça? Oh, c'est formidable. T'es en bonne santé, au moins, non? Bah, il est toujours impressionné par les pièces qu'il joue. Oui, ça, je veux dire un truc, mais on n'est jamais assez prudent, moi. Dites-toi, à la cabine, là, c'est fini, hein. C'est terminé, merci. Oui. Ouais, non, mais j'ai vu des trucs pires que ça. Non, mais alors, dites-moi, tu vas consulter un médecin ou pas? On s'en occupe, là, on s'en occupe. Tu parles, dis donc. Bah, après tout, moi, je suis curieux de connaître sa réponse. Ouais. Dis donc, tu m'as pas parlé de ton truc. Allez, mes enfants. Oui, enfants. Eh bien, nous sommes allés voir un docteur hollandais pour lui demander si l'histoire que nous venons de jouer, que les acteurs viennent d'interpréter pour vous, si cette histoire était vraiment invraisemblable. Alors, c'est un docteur hollandais que nous avons consulté. Et docteur, je vais vous demander, donc vous venez d'entendre l'enregistrement que nous avons fait, je vais vous demander si le cas qui est présenté au cours de cet enregistrement est un cas vraisemblable ou non. Il est vraisemblable, absolument, absolument. Mais, comme l'a dit très justement, je crois, l'acteur qui a joué le rôle des docteurs dans la pièce, ces cas de dédoublements sont extrêmement rares. Mais il peut se produire. Absolument, il peut se produire. Ils peuvent se produire. Oui, certainement. Personnellement, je n'ai pas eu une connaissance d'un cas semblable, mais en tout cas, c'est très plausible. Mais enfin, la réponse que je vous donnerai est très peu scientifique. Je comprends bien ça, puisque... Si j'ai bien compris, je dois vous répondre par oui ou par non. Oui, c'est cela, exactement. C'est ce que nous voulons. Eh bien, je dis oui. L'histoire que nous venons d'entendre est plausible, est vraisemblable. Bon, donc le docteur hollandais s'est prononcé. Donc ce n'était pas une utopie, ce n'était pas une histoire invraisemblable. C'était bien, comme le dit le titre de cette pièce, une histoire à peine croyable. Vous venez d'entendre une histoire à peine croyable. C'est un scénario de Pierre Olivier, dialogué par Jean-Louis Baril, réalisé par Jean de Givet et Jean Ruche. Théâtre radiophonique, c'est une production de Radio Nederland à Hilversum, Hollande.